Les satellits de Die a l'estud de la Muson. Les satellits Juan Guandien Megatropic Poc Bien Son Mon. Lancé la semaine dernière depuis la base de Ricota, dans le sud de l'Inde. Cette sonde va étudier pendant un mois 300 les cycles de l'eau dans la zone tropicale.